êtes à C'est fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Aujourd'hui à Assemblage requis. Simon Fitzbé fait son cynique dans sa chronique Phénomène. Et on a des tirages pour vous ce matin. Arrête donc ça, toi! T'as dit ça? Achetez des petits gadgets inutiles comme dans la chronique 5 semaines, ça devrait répondre là? Non. Parce qu'on a ça aussi. Oh, non. Oh. Je pense que ça paraît qu'il est tôt, François, ce matin. Ouais. Je pense qu'il y a des enveloppes pour le tirage et puis en essayant de toucher à ces enveloppes-là pour les mettre ailleurs, il s'est quasiment fendu le nez, je pense. Je me pète le nez avec les enveloppes. C'est ça. Mais tu sais, le paper cut, hein, c'est jamais plaisant. Hein? Non. Surtout avec ton nez. Surtout avec mon Est-ce nez. Est-ce que tu saignes? Non. On a un blessé, s'il vous plaît, si quelqu'un est du service d'urgence. Oh. Ah, bon. Je vais m'en sortir. Bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 12 avril 2012. On souhaite que tu t'en sortes, François-Olivier Marchand. Et merci, Mathieu Plante. Ça fait plaisir, François Marchand. On pourrait continuer comme ça longtemps. Ça pourrait être déplaisant. Donc, aujourd'hui, à l'émission, qu'est-ce qu'on a? On a Simon Fitzbé à 8h avec sa chronique Phénomène. C'est sa chronique thématique musicale. Mais aujourd'hui, on dirait plus thématique humoristique. Parce que les Cyniques, c'est un groupe d'humoristes. Oui, je pense qu'il y en a un qui est mort. Hein? Ouais, c'est ça. La semaine dernière. Samedi, je pense, du coup. Simon Fitzbé va nous dire ça. D'accord. Donc ça, c'était à 8h. On n'a pas de François Landry aujourd'hui. Je sens un thème récurrent de ces temps-ci. François Landry n'est pas là. La grève, ici, sur le campus, prend beaucoup de son temps. Le monde de grève! Je regardais hier, par erreur, TVA. Hein. OK. Ouais, c'est tout le temps genre « ras-le-bol de la grève » qui est écrit en bas de l'écran. T'sais. Puis là, t'as les noms des personnes qui apparaissent. Ça fait « chouchou », le nom apparaît. Puis ça fait « chouchou, ras-le-bol de la grève ».« Chouchou », le nom. « Chouchou, ras-le-bol ». Je te jure. Ras-le-bas de la grève apparaît aux 3 secondes. Vous, vous, vous, vous. C'est assez particulier, je pense, de TV. Hein, c'est fatigant. Puis il passe en entrevue seulement des gens du côté des Verts. Ben ouais. Tout le temps. C'est le temps. C'est comme ça. Pas le premier à le dire, hein, mais c'est pareil. Pas de François André à 8h30. À la place, on va voir la chronique « 5 semaines, ça devrait pas » où on l'a, où on règle vos problèmes. OK. C'est simple, ça. Fantastique. On trouve un problème dans notre vie, on le règle. Puis pour remplacer la grande absence que François André nous procure ce matin. Nous procure. On a des certificats cadeaux. En fait, des paires de billets pour rester à la première du film « Dérapage » de Paul Arcand. Oh! Oui, qui va se dérouler ici à Trois-Rivières. Donc voilà, ça c'est prévu pour le mardi 24 avril à 18h30 au cinéma du Cap. Donc voilà, ça va être un peu plus tard dans l'émission. Parfait. Pas tout de suite. À moins qu'on en fasse tirer une tout de suite. Ben allons-y. T'sais. Pour les leftos. Oui. Ouais. Les gens qui sont là depuis le début, il faut bien les récompenser, ces petits requins matinaux-là. Parfait. Donc, documentaire de Paul Arcand, ça s'appelle Dérapage. Vous nous appelez, vous nous dites seulement le titre du film, le titre du documentaire. Tu veux dire le documentaire Dérapage? Ouais. Celui-là? Ouais. OK. OK. On ne leur dit plus. Non, c'est fini. 819-376-5183, 819-376-5183. Pendant qu'on écoute Fanny Bloom, voici Respirer la fumée au 89.1 FM. C'est fou. 819 376-5183! Non! 376-5183! Je voulais pas... Je savais que si je me dépêchais, je réussirais, mais j'ai pas réussi. Comme là, tu sais, c'est... Puis là, je vais l'avoir. Prochain coup. C'est fou! C'était parfait, ça, là!

C'est fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. L'émission qui construit votre journée à partir de matériaux de qualité. Assemblage requis se poursuit jusqu'à 9 heures. Reine de France avec la pièce, ça finira dans un bain de sang. Oh, oh, oh, oh. Mais, on se croirait à l'Halloween. Là. Ben oui, hey, on faut faire attention. On aurait dû inverser le monde, là. 13 ans et plus, cette émission-là. Ouais. Finira dans un bain de sang. Hey! C'est dangereux. Ouais. C'est dangereux. Hey Mathieu, un autre par les billets. Hey, bonne idée. Drella. On fait ça, Drella. Par les billets pour? Pour le documentaire Dérapage, film de Paul Arcand. Va se dérouler ici même à Trois-Rivières. C'est la première. Qui est prévu d'ailleurs pour le mardi 24 avril à 18h30 au Cinéma du Cap. Donc, écoute, tantôt, on a fait gagner le premier appel. Oui. On pourrait faire gagner le deuxième. Qu'est-ce que t'en penses? Suite logique des événements. 819-376-5183, c'est notre numéro de téléphone en studio. 819-376-5183. On attend votre premier et ensuite votre deuxième appel. Oui, exactement. Et tantôt aussi. Oui, tantôt, on en fera d'autres aussi, mais... L'important, c'est de participer dans le moment présent. Exactement. Attendez pas à plus tard. Ça, c'est vrai. Vous mettez à plus tard, c'est pour les... Pour les faibles. Pour les faibles. Hey, tu veux-tu rappeler le numéro de téléphone? 819-376-5183. On écoute la nouvelle entrée de Radio Radio. Oh! C'est Galop. Galop. Monte-tu ma cuisse. Hein? Descends-tu sa cuisse.

On a une belle cuvée de nouvelles entrées cette semaine, François. C'est The Whale, j'adore cette pièce-là. Aïe, aïe. C'est très bon. Loveless de C'est The Whale. On s'en a entendu un groupe que tu adores, Topanga. Oui, Topanga avec la pièce Lion of Heart. J'ai bien aimé aussi. Ouais, habituez-vous à entendre ces pièces-là parce qu'on va les rejouer. Ouais. Mais C'est The Whale, belle surprise ce matin. Oui. Ouais, fantastique. Leur album s'appelle Little Mountain. Donne le goût d'écouter l'album. J'avais bien aimé We Are 1980. Oui, une de mes préférées, moi aussi. On s'entend. Mais enfin, j'aime bien elle aussi. Sur quelque chose musical. Il y a ta tête, hein, parce que le chiptunes. Wow, puis toi, t'es Mylène Collin. Puis tout. Hé, c'est bon, hein. C'est bon, c'est vrai que c'est bon. OK. Maintenant, François. Tu sais, on s'entend tous sur les... pas nécessairement tous sur les mêmes affaires, mais quelque chose qu'on est sûr qu'on aime tous les deux, c'est d'apprendre parce qu'on est dans une université. Oui. Donc, voici, c'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Et on commence avec une section Quickie Edition. OK. C'est pas au complet, là. Non. L'or qu'on peut retrouver dans les océans du monde, OK, de l'or dissoute, là, dans l'océan, partout dans le monde, dans tous les océans, on estime que ça vaut 475 trillions de dollars. C'est 30 fois la dette américaine. Hey boy. 30 fois. Ouais. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui rajoute sur le site qu'il y avait lu un article qui disait que 1 000 cubes d'eau salée contient 1 million de livres, l'argent, les livres, 1 million de livres d'or, mais ça coûterait 5 millions de livres pour l'extraire. L'extraire, ouais. C'est pour ça qu'il l'enlève pas. Ouais, sinon, c'est sûr qu'il serait là, hein. Ben, c'est ça. Il y a une scène à faire. Le zoo de Edinburgh, a dû mettre des panneaux de vitres autour des pingouins parce que les pingouins commençaient à faire leurs besoins, à déféquer, sur les gens qui attendaient pour voir les pandas au zoo. Parce que les pingouins, je sais pas si vous saviez ça, on en parlera dans quelques secondes après la ronde Quick Edition, là. Mais des défécations de pingouins, ça peut être très très loin. On dit jusqu'à 38 cm et ça prend 4 fois la force d'un humain pour envoyer son caca aussi loin. Super. Ouais. Les guerres tuent plus de civils que les soldats. Donc dans une guerre, l'endroit le plus sécuritaire où se retrouver, c'est souvent dans l'armée en tant que tel. Ouais. C'est triste quand même, ça. La Banque du Vatican est la seule banque au monde qui permet aux utilisateurs de ses guichets automatiques de performer leurs transactions en latin. OK. Latin, toi, donne-moi mon argent. Peter Durand a breveté la canne. Tu sais, la canne comme une canne de bine, une canne de légumes. Là, une canne fermée. Là, ouais, les boîtes de conserve. C'est exactement ça. En 1810, les boîtes de conserve. Ezra, 1810? 1810. Quand même. Ça fait très longtemps. Alors que Ezra Warner a breveté le premier ouvre-boîte en 1858. Entre les deux, on servait d'un marteau et d'un clou. Ben oui. Pour l'ouvrir. Ça m'a toujours fasciné aussi, à savoir comment est-ce qu'il fermait ça. Oui. Comment il ferme ça? Excellent. Ouais. Excellente question. Ben, en fait, tu peux voir que c'est des espèces de couvercles qui viennent clipser. Ben, pas clipser, là, mais... Se pogner. Ouais, qui vient de se pogner, c'est ça exactement, avec de la pression, mais je sais pas. On dirait que ça. Faudrait demander à notre skieur professionnel là, de comment c'est fait. Ouais. Notre célèbre skieur. Plus de 4,5 milliards de messages spam en messages textes ont été envoyés l'année passée. 4,5 milliards de messages textes spam. C'est quelque chose. Il y a un mot en allemand, un verbe. C'est Zicheln, je sais pas si je le prononce comme faux, Zicheln, Z-I-S-C-H-E-L-N, qui veut dire chuchoter, mais tout en étant fâché. Toi, mon de on dirait chose, le mari de Céline. Ouais, ouais, René. René. Ben oui. En moyenne, deux personnes aux États-Unis se font aplatir et meurent à cause des machines distributrices à chaque année. En moyenne, deux personnes, juste aux États-Unis. Machine distributrice qui leur tombe sur la face. Tu sais, déplaisant. Ouais, un peu. C'est pas la meilleure mort. En 1904, on parle du 8 avril 1904, le Long Acre Square à Manhattan a été renommé Times Square en l'honneur du New York Times. Oh. Avant, c'était le Long Acre Square. Long Acre. C'est bien. Tu sais, on dit que chaque humain est là, je vais être vulgaire, pardonnez-moi. Mais chaque humain naît trou de cul, hein? OK. Naît trou de cul, d'accord? C'est bon? OK, chapeau. Mais littéralement, c'est vrai, parce que apparemment, on dit que c'est la première chose qui se forme dans l'utérus. Ah ouais? D'un enfant. C'est pas dans l'utérus d'un enfant, l'utérus d'une maman. L'enfant. Ouais. C'est son trou de. Ouais, son anus, là. Là. Fallait que tu rajoutes un mot. Là, là. Là. C'est vraiment inconfortable. J'ai chaud. Parlant d'anus, tu sais, on en parlait tantôt. Ça commence bien une phrase. Ah, oh, ouais, tout à fait. Le caca d'un pingouin peut être vu à partir de l'espace. On en parlait tantôt. C'est ça, les pingouins. De l'espace? On peut voir ça de l'espace. On se demande, mais qu'est-ce que ça a de si spécial, la défécation d'un pingouin? Eh bien, pour commencer, c'est l'endroit où ils sont. Tu sais, les pingouins, ils vivent dans la neige. Oh, la neige, c'est blanc. Et du défécation, c'est noir ou brun, dépendant des pingouins. Et puis, c'est ça, donc, température froide et tout ça. Et puis, ben, on peut voir ça de l'espace, la couleur foncée. C'est très, très joli. Une autre raison, c'est que leur... Comment? Mais ça n'a pas été vidé. Ben, c'est qu'il y en a beaucoup de pingouins. Fait qu'ils se mettent tous à faire ça à la même place. Ça fait des gros... grosses flaques. On peut-tu voir une photo? On n'avait pas de photo de la flaque, mais une photo d'un pingouin en train de le faire, par contre, pour montrer le prochain effet, dont on parlait tantôt encore une fois, que les pingouins peuvent déféquer avec quatre fois la pression que les humains utilisent. Donc, ils peuvent... C'est de la pression, ça, mon ami? C'est de la pression, j'ai l'impression. Ça peut décharger jusqu'à 40 cm de distance. OK? Pourquoi est-ce que ça dérange? Pourquoi est-ce que ça importe? Ben, c'est que les humains ont de la difficulté à retracer le chemin des pingouins et voir comment ils vivent parce que c'est tellement froid là-bas. Et puis, c'est ça. Donc, et puis, en plus, c'est que la glace en dessous des pingouins est très, très fragile. Oui, les pingouins sont pas très lourds, donc ils peuvent marcher dessus. Mais si les humains viennent ou venaient avec leurs équipements et leurs troupeaux de personnes, ben, ça pourrait facilement faire casser la glace. Donc, c'est dangereux et l'eau est froide. Donc, il y a plein de facteurs qui font que les humains peuvent pas nécessairement aller les voir si souvent que ça. Et bien, en regardant leur défécation à partir de l'espace, les scientifiques croient qu'on est plus près de la compréhension totale de ces créatures fascinantes. C'est bien, hein? Eh bien. C'est ça. C'est de l'espace qu'on voit ça. Entre 0,4 et 6 % des femmes ont un sein en trop. C'est beaucoup. Ça te rend curieux pas mal. Ouais. Tu veux en savoir plus? Oui. On sait que plusieurs personnes naissent avec des anomalies. On a déjà parlé plusieurs fois de doigts en trop, des membres en trop, des trucs comme ça. Un orteil. Des fois, il y a un jumeau attaché au ventre. C'est des fois qu'il faut enlever, des trucs comme ça. Ça arrive, mais on dit qu'entre 0,4 % et 6 % des femmes naissent avec un sein en trop, ou même une paire de seins en trop, mais la plupart ne se développent pas au complet. Non, ça va être juste des petites bosses avec une tip-tip-tip. Donc, c'est souvent, ils reçoivent le mauvais diagnostic. On dit que c'est soit une masse, je sais pas comment on appelle ça en français, lymphatique, en tout cas, ou un kyste, je pense qu'on dit. Un kyste, ouais. Bon. Donc, des fois, les docteurs pensent que c'est ça. Souvent, ils sont situés en dessous de... Du bras? Du dessous de bras, là, si on veut, dans ces coins-là, très, très proche du dessous de bras. Là. Et on appelle ça un sein accessoire. Okay. Ça s'agence très bien qu'une sacoche, en fait. Un sein accessoire. D'autres naissent avec simplement une tétine de plus, un nipple, et souvent c'est situé en dessous du sein. Et voilà, donc c'est spécial, mais on n'a pas à les enlever la plupart du temps parce que c'est pas trop dérangeant. Mais c'est ça. Ça peut être dérangeant pour ceux qui aiment pas voir ça, mais il y a des gens comme ça. Hein. Ouais. Des gens, les anomalies, tu sais, ils aiment pas ça, puis ils niaisent les autres par rapport à leurs anomalies, hein, François? Tu ça, c'est ça. Plat. C'est plate, ces gens-là, c'est plate, c'est plate. Il y a seulement un sein. Attention. Il y a seulement. 5,472,730,538 solutions possibles à un sudoku. OK. Oui. Solutions possibles ou... Solutions possibles. Ouais. Donc, façon de faire des sudokus. Ça a l'air gros comme chiffre, mais les mathématiciens pensaient que c'était beaucoup plus que ça. Et donc, ils trouvent ce chiffre-là très petit. Un sudoku qui est évidemment une grille de ce qu'on appelle des carrés latins. Excepté que, bon, là, il y a l'affaire de ne pas avoir les chiffres qui se répètent, etc., dans aucun des 9 blocs, alors que les carrés latins, c'était seulement à l'intérieur du bloc même qu'il ne fallait pas répéter les chiffres. Donc, on pensait qu'il y avait un total de, bon, 6 avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 groupes de 3 chiffres, là, 6 suivis de 3, de 6 groupes de 3 chiffres. On pensait qu'il y avait ce nombre de solutions-là. Mais ensuite, on a enlevé les rotations, réflexions, permutations, et etc., qui faisaient que les puzzles étaient pareils, mais juste dans un ordre différent, tu sais, parce qu'il faut pas que le puzzle se ressemble du tout. Faut que ce soit des solutions complètement différentes et uniques. Donc, on est arrivé à ce chiffre-là. Et on dit, en plus, que les sudoku ne viennent pas d'Asie, comme on le pensait. Ça a été popularisé en Asie, en fait, mais ça a commencé par les carrés latins, qui était un seul carré. Les historiens ne savent pas nécessairement où a commencé le sudoku, mais on sait que ça a été amené dans un sens plus large, plus populaire, dans les journaux en France à la fin des années 1800. Quand même. Donc, les cannes puis les sudoku, là, des années 1800, c'est vieux, ces affaires-là. Exact. Après la Première Guerre mondiale, par contre, ils sont virtuellement disparus jusqu'à ce qu'un homme nommé Howard Garnes ait pris sa retraite de son travail d'architecte. Il est devenu un constructeur de puzzles à la pige, un pigiste de puzzles. dans l'Indiana. Et il a publié un jeu qui s'appelait Number Place en 1979 et le concept a été repris par les Japonais de chez Nikoli, où c'est devenu un phénomène mondial, les Sudoku, évidemment. Très bien. Moi, je trippe pas ma main. Moi, j'aime ça. C'est bien. Oh, j'aime ça. C'est compliqué. Ben, pas tant que ça. C'est vraiment des mathématiques, on dirait. Là. C'est ça, puis on dirait que moi, revivre ma période mathématique de ma vie. Non, c'était pas un bon passage. Pas un très bon passage. Bon. Cours d'été, tout ça, non, c'est pas... Ah ouais, pour vrai? Ouais, ouais. Ah, je te pensais vraiment intelligent. Merci, merci. J'étais plus langue que chiffre. Ah ouais? Ouais, donc, maintenant, tiens, une solution presque à vos problèmes. Ici, si vous manquez de condom lors d'une séance de swing-swing, swing-swing, Oh, on se doute bien... Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, dans les villes de Gothenburg, Stockholm ou Malmö, si c'est là que vous vivez après une soirée romancée de squick-squick, là, vous vous trouvez dans une situation où ce serait possible, mais vous avez rien pour vous protéger. Rien du tout. Donc, vous appelez les Chosan Express, qui est un camion qui fait le tour de la ville, et pour seulement 50 kronas, c'est-à-dire moins de 10$, là, on vous envoie 10 de condoms livrés chez vous, à la maison, et ça a été amené par une compagnie de condoms qui était alarmé par le fait que l'utilisation des condoms était très, très basse. Selon eux, seulement 25% des personnes entre 16 et 25 ans utilisaient des condoms. C'était pas assez. Évidemment, je pense qu'on comprend tous qu'un quart des personnes qui se servent de condoms, c'est vraiment pas assez. Mais, ouais, et le camion était plutôt... Ouais, je sais pas si ça fonctionne bien. Hein. Je sais pas. Ça, l'histoire le dit pas, là, mais... Tu sais, quand c'est là, je sais pas. Attends un peu. M'a appelé... Je sais pas. 699. Hein? Comment? Blague de sexe, là-dedans, je pense. Donc, ils disent que c'était plutôt humoristique, leur camion, mais finalement, ça a un message éducatif quand même et ça pourrait devenir permanent. Mais pour l'instant, okay. C'est pas supposé l'être. On parle encore d'amour. Un fait que je traîne dans mes notes, c'est un fait depuis la Saint-Valentin, littéralement. Mais ça a des suites, cette affaire-là. C'est pas seulement une histoire de Saint-Valentin. En Corée du Sud, on a une journée romantique à chaque 14 du mois. OK, donc 14 février, Saint-Valentin, c'était en Corée du Sud. OK. Donc, Saint-Valentin, 14 février, une journée qui est célébrée dans plusieurs pays du monde, évidemment. Donc, les femmes donnent du chocolat aux hommes à la Saint-Valentin en Corée du Sud. Et au contraire, le 14 mars, ce sont les hommes qui donnent des bonbons aux femmes. Selon l'article, j'aurais eu tendance à penser que ça aurait été le contraire, mais apparemment, c'est ce que ça dit. Donc, ceux qui ne reçoivent pas de bonbons, le 14 avril, c'est une journée où on célèbre le fait qu'on est seul. C'est comme une journée de deuil, si on veut. Donc, on appelle ça Black Day. Et les célibataires vont manger des nouilles noires dans les restaurants. C'est là qui représente le célibat, si on veut. D'autres pays dans le monde ont leur propre Saint-Valentin, leur tradition. À Norfolk, au Royaume-Uni, Jack Valentine laisse des bonbons pour les enfants à la Saint-Valentin. Et dans d'autres pays, comme le Danemark et la Norvège, la Saint-Valentin est célébrée un petit peu comme une copie de la version américaine de la Saint-Valentin. En Amérique latine, la journée est plus importante et ne célèbre pas que l'amour, mais ça célèbre aussi l'amitié. Donc les amis se donnent des cadeaux et s'échangent des petites pensées. Okay. Donc les traditions sont vraiment différentes partout et ça dure jusqu'en avril. Quand même, hein? Ça, je me suis permis de la faire quand même. 14 avril, c'est dans deux jours. La fête des célibataires. C'est beau. Allons-y avec un dernier. Tiens, les bracelets qu'on porte à la cheville, tu sais, quand on est coupable de quelque chose, le juge nous donne comme sentence, porte un bracelet à ta cheville, sors pas de ta maison, on va trouver t'es où, etc. Bon. Donc, ça vient de Spider-Man. Okay. Intéressant quand même, je te raconte. En 1977, un juge au Nouveau-Mexique lisait une bande dessinée de Superman où le méchant Kingpin retraçait ou suivait les traces de Spider-Man grâce à un bracelet qu'il portait autour de son poignet. Donc le juge, qui était un district court judge, il s'est dit que cette technologie pourrait fonctionner dans la vraie vie. Donc quelques années plus tard, le produit a été amené sur le marché parce que le juge a demandé à un vendeur d'ordinateur, il lui a demandé de le payer pour faire ça, de développer cette technologie-là. 6 ans plus tard, en 1983, l'appareil a commencé à être testé au Nouveau-Mexique et le succès a mené à l'adoption en Floride de cet appareil-là plusieurs années plus tard. Et le succès a mené, évidemment, à l'adoption nationale. Donc, ça vient d'une bande dessinée de Spider-Man. C'est vraiment bien. Drôle. C'est cool. C'est très, très cool. Voilà pour cet fait, François. Je pense merci, qu'on Mathieu. Est... fait plaisir. Merci on beaucoup. Est rassasiés. Tu sais? De fait. On en fait quasiment jamais. C'est ça qui est le fun. Donc, ça va être la fin de la première heure. Je pense qu'on est juste à temps pour accueillir Simon Fédré dans quelques minutes, espérons-le, avec sa chronique Phénomène. Oui, exactement. On va nous parler des cyniques dans le temps que ça prendra pour qu'ils s'en viennent. Exactement. Entre-temps, on prend une pause et on revient à Assemblage avec qui reste là. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. On vous remercie d'être avec nous pour cette deuxième heure d'Assemblage requis en ce jeudi 12 avril 2012. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Lui, c'est Mathieu Plomb. Oui, tu y mets tellement plus d'émotion que moi. Hein? Ah oui, j'aime ça. Moi, c'est comme le robot. François-Olivier Marchand. Lui, c'est Mathieu Plomb. Wow! Ça, hein, je pourrais me lever debout en même temps. Un vrai Ricky D. Hey, écoute, Ricky D. Oh, pas sûr que c'est un compliment, écoute. Pas tant, non. Non, pas non, tant. C'est ça. Hey, écoute, on peut faire un autre tirage pour une paire de billets. On prend le troisième appel. On prend le troisième appel. Sur la hotline. Tu veux le rappeler le numéro de la hotline tout de suite? 819-376-5183. Ouais, oh, parfait. Écoute, on parle de la première du film Dérapage de Paul Arcand, qui est un documentaire, bien évidemment. Donc, c'est une paire de billets. Et ça va se dérouler le mardi 24 avril à 18h30 au cinéma du Cap. Donc, le troisième appel, hein, tu dis? Oui, au 819-376-5183 sur la hotline. De C'est Fou. Ça, c'est hot, hein? Ça, c'est hot. Voici Rococo. Thanks. The All American Reject avec la pièce My Paper Heart. Donc, assemblage requis. Ben, évidemment. Ben oui. Ça pourrait pas être ailleurs. Ben non. Ça, c'est sûr. Donc, oui, c'est bien assemblage requis. Il est 8h18. Et maintenant, ben, je pense que ce serait le moment d'accueillir un homme qui vient de loin. Il est du futur. Il vient du futur. Super. C'est Simon Fitzbay. Les cyniques! Les cyniques sont venus ce soir pour vous mettre des frissons sur le corps cyniquement en vous parlant surtout de la peau. La politique et la police, la pauvreté d'esprit, les pauvres et la misère, car tout ce que l'on veut, c'est vous faire rire. Messieurs, le monde de l'humour est en deuil. Effectivement, un grand humoriste s'est éteint vendredi dernier à l'âge vénérable de 73 ans. Serge Grenier, qui fut un pionnier du monde de l'humour avec des textes fins et grinçants ainsi qu'irrévérencieux, il a contribué à libérer le Québec de ses tabous et ses carcans. Il fut artiste solo, mais surtout connu pour avoir été membre fondateur d'un des plus grands groupes d'humour au Québec. Les cyniques, bien sûr. Cette semaine, donc, je vous propose un bref survol de la carrière de ce groupe d'humoristes qui, avec leur irrévérence et leur front également, ainsi que leur humour, ont aidé à bâtir le Québec que nous connaissons aujourd'hui. C'est un peu grâce à Denis Arcand que les cyniques sont nés. En effet, alors qu'il était étudiant à l'Université de Montréal en 1960, il demande à un ami et collègue de classe, Marc Laurando, de jouer dans un de ses films d'étudiants et puis de regrouper certains groupes de ses collègues afin de faire un numéro dans le cadre du Ciné Campus où on projetait les réalisations d'étudiants. Laurando fait donc appel à une dizaine de comparses, dont Serge Grenier, un étudiant en philosophie, ainsi que Marcel Saint-Germain, un collègue étudiant en droit qu'il avait connu au Collège classique, afin, bien sûr, d'écrire des numéros comiques. Cette première incarnation des cyniques fait un vrai ravage, qu'ils reviennent semaine après semaine, mois après mois, au Café étudiant, afin de créer de nouveaux numéros. Ils sont, entre autres, soutenus financièrement à la base par l'AGE-UDM, président par un jeune, Bernard Landry. Bernie qui était là dans le temps. Donc, le noyau dur des cyniques se complète par la suite avec André Dubois, également étudiant en droit, qui, lui, se joint au groupe après avoir vu les cyniques sur scène quelques fois. Il était très intéressé et donc a décidé de rejoindre ses comparses. De la scène du Café étudiant, les cyniques se transportent vers les cabarets en 1961. Étant trop nombreux pour occuper une seule scène, le groupe, donc d'une douzaine d'individus, devient un quatuor formé de Laurando, Grenier, Saint-Germain et Dubois. Ce sont les cyniques tels que nous les avons connus. Les différents membres du groupe ont commencé à se distinguer dans leurs différents rôles. Marc Laurando devient l'annonceur faisant les parodies de publicité ainsi que les présentations radio-canadiennes offrant des commentaires critiques et sociales de la société québécoise. Et Serge Gagné, lui, devient en quelque sorte le critique le plus virulent de l'Église en questionnant la suprématie du pape ainsi que les institutions cléricales avec des numéros sur les frères et les curés. Marcel Saint-Germain, lui, est le chanteur du groupe, doté d'une voix porteuse et d'habileté musicale surprenante. André Dubois, pour sa part, est l'imitateur hors pair. L'examen de conscience. Est-ce que j'ai fait des mauvaises choses? Seul ou avec d'autres? Et si c'est avec d'autres, de quel sexe? Est-ce que j'ai chanté des chansons cochonnes? Est-ce que j'ai raconté des histoires cochonnes? Est-ce que j'ai mangé comme un cochon? Ai-je souhaité la mort de Claude-Henri Glignon? Serai-je bientôt exaucé? Suis-je abonné à Playboy? Est-ce que j'ai pris ma douche nue? Serge Grenier qui jouait l'aumônier, bien sûr, dans l'examen de conscience, un de ses grands numéros classiques qui a aidé, bien sûr, à faire sa réputation, à faire la réputation des cyniques. Bien sûr, il faut se remettre dans le contexte quand on écoute des numéros des cyniques. C'était encore à l'époque où le clergé était très fort. Le cardinal Léger était le prince du Québec, comme il disait souvent. Donc, le groupe capitalisait beaucoup là-dessus. Le groupe a fait des tournées de boîtes à chansons, côtoyant alors les Jean-Guy Moreau, Robert Charlebois, Claude Léveillé et Gilles Vigneault de ce monde. Ils sont les premiers à aller aussi loin dans leurs numéros, alors que les autres humoristes de l'époque se contentaient plutôt de faire des blagues simplistes, dénuées de toute forme de commentaires sociaux. Le groupe prend alors la décision à ce moment de suspendre leurs études et de se consacrer à temps plein à l'humour et ainsi tenter de faire une carrière dans le domaine. Il faut souligner qu'ils avaient pratiquement tous fini, ils s'en allaient tous dans le droit à part Serge Grenier qui était philosophe de formation. Entre autres, les cyniques sont engagés pour faire des spectacles dans le très célèbre Casa Loma, un bar bien en vue de Montréal qui était fréquenté par le tout Montréal mais également par les gros noms de la mafia. C'est d'ailleurs sur cette scène qu'ils se font remarquer par les gens de Radio-Canada qui leur confient l'animation de toutes les couleurs. La toute première émission couleur de Radio-Canada en 1966. Donc, on a donné ça à un jeune groupe d'humoristes qui n'avait jamais fait de télévision. Tenez, voilà la première émission couleur. C'est fun, ça? C'était assez incroyable. Belle porte. Ça montre la confiance qu'il avait. Ouais. Tu mets ça sur ton CV, après, c'est assez incroyable. Et donc, au même moment, dis-je, ils enregistrent leur premier album sous le nom des Abominables Cyniques en spectacle. Le groupe pose pour la pochette, en fait, le groupe pose dans un cimetière où ils font un pique-nique. C'est assez cynique, ça, justement. Cet album-là fut nommé meilleur album d'humour au gala du disque de la même année, gala qui fut d'ailleurs animé par les Cyniques. Ils sont également sur scène à la Comédie canadienne dans le cadre de l'Expo 67, rejoignant un plus gros public, bien sûr. C'est comme si la population avait compris qu'il était temps de rire d'elle-même. À l'été 1968, le groupe anime Émission Impossible, un programme hebdomadaire à la télévision de Radio-Canada. Donc, à chaque semaine, ils présentent de nouveaux numéros, des nouvelles créations, ce qui est quelque chose d'incroyable pour l'époque. Le groupe continue également à sévir sur scène, sortant disque après disque, contenant les meilleurs numéros de leur spectacle. Avec la Révolution tranquille, le visage du Québec change et l'humour des cyniques en fait tout autant. À la fin de l'année 1960, le groupe devient de plus en plus politisé et décide de laisser de côté l'Église, qui était une de ses premières victimes à leur début. Faut faire attention à ce qu'on dit. La semaine dernière, je me suis fait bousculer par un noir. Il pensait que je l'avais traité de singe. J'avais simplement demandé dans quelle branche il était. Je suis d'ailleurs ici pour vous donner un cours comment ne pas être raciste. De la modération. Ne dites pas « les Français puent ». Dites plutôt « il est possible que n'ayant pas les moyens de s'acheter du savon, les Français dégagent certaines odeurs intimes ». Ne dites pas « les Américains ont l'air niaiseux avec leurs grosses culottes Bermuda carottées ». Dites plutôt, les Américains ont des grosses culottes Bermuda carottées qui leur conviennent bien. Parlant d'anglo-saxons, évitez de confondre l'anglais et le canadien anglais. Le premier est civilisé. Ne dites pas, à Saint-Léonard, les Italiens veulent pas apprendre le français. Dites plutôt, à Saint-Léonard, les Italiens n'ont pas la capacité intellectuelle d'apprendre. Ne dites pas, les immigrants viennent tous nous voler nos jobs. Dites plutôt, les immigrants viennent emprunter nos emplois pour aller vivre ensuite aux États-Unis. Quand vous serez modéré, l'on vous aimera, car vous ne direz plus « Oh, jailli les Italiens, les Polonais, les Nègres, puis les Anglais », mais vous direz affectueusement « J'adore les Wops, les Polacs, les Nègres, puis les Blows ». Et donc, il s'agissait d'un numéro ici sur le racisme. Encore là, faut se remettre vraiment dans à l'époque, c'est-à-dire on est en 1970 dans le cadre de cet album. Il y a le volume 5 des Cyniques. Et on va se retransporter encore du côté plus politique cette fois-ci, qui se retrouve sur ce même album-là où on se moque littéralement de Pierre-Elliott Trudeau. Eh oui, mesdames et messieurs, le premier ministre du Canada, M. Pierre-Elliott Trudeau. Monsieur Trudeau, plusieurs personnes se posent la question, pourquoi ne voulez-vous pas vous marier? Eh bien, tant que je serai Premier ministre du Canada, il n'est pas question pour moi de partager avec personne l'organe du pouvoir. Dans un tout autre ordre d'idées, comment expliquez-vous le fait que M. Jean-Jacques Bertrand ait déjà été Premier ministre du Québec? Écoutez, vous avez qu'à lire la Constitution. N'importe qui peut être Premier ministre du Québec. Mais quand même, vous êtes méchant. Avouez quand même que M. Bertrand est un homme qui est parti de zéro. C'est ce que j'appelle un aller-retour. Soyons, s'il vous plaît, M. Trudeau, un peu plus sérieux. Est-ce que c'est vrai que vous allez bientôt nommer sénatrice Mme Juliette Huot? Écoutez, j'aimerais bien ça, mais c'est pas possible. Ah oui? Elle fait déjà partie des communes. M. Trudeau, depuis quelque temps, vous faites plusieurs randonnées à travers le monde à la recherche d'une femme ou d'une autre. C'est pas tellement sérieux. Eh bien, certaines personnes se disent que vous êtes un imbécile. Qu'en pensez-vous? Écoutez, je dirais seulement qu'il y a beaucoup d'imbéciles dans le pays. Ils ont parfaitement le droit d'être représentés. Il s'agissait donc d'une très, très bonne parodie de Pierre-Elliott Trudeau qui se nomme « Le déshonorable Trudeau ». C'était à une époque où les cyniques étaient de plus en plus politiques. Camille Sanson, Robert Bourassa et Pierre-Elliott Trudeau justement viennent alors remplacer les curés, le cardinal Léger. Le groupe laisse également paraître cette époque-là leur premier élan nationaliste en critiquant grandement le Canada. Dès 1970, ils participent d'ailleurs à des levées de fonds pour le Parti québécois. En 1970, ils se produisent deux mois de temps, quand même, c'est assez incroyable, aux Patriotes en pleine crise d'octobre. Malgré la commotion de ces événements, les cyniques décident de continuer à faire de l'humour politique et sanglante, n'hésitant pas à rire du FLQ et des enlèvements de Cross et Laporte. L'année suivante, le groupe se produit, poursuit plutôt sa montée perpétuelle dans le monde de l'humour en se produisant sur la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts pour 4 soirs consécutifs. Un sommet qui restera inégalé pour leur part, bien sûr. Ils sont également du Bye Bye 1971 aux côtés de Dominique Michel et Denise Filiatro. Au début de l'année 1972, les Cyniques font leur début au cinéma dans le film X-13. C'est pas X-13, c'est X-13. I-X-E-13. Une comédie musicale éclatée, composée, réalisée plutôt par Jacques Godbout. C'est une adaptation humoristique des romans à 10 sous de Pierre Daigneault. Il s'agit d'un film psychédélique à l'humour déjanté et au décor en carton-pâte qui mettait également en scène Louise Forestier, qui ne se souvient plus du tout de l'histoire du film tellement tout le monde était stone sur le plateau. The French Canadian dream. Demandez notre programme, puis notre popcorn ice cream. surprise. Six and the chip to chess. De Kiko là, puis des outils en chocolat. S'il vous plaît. Il se traite de French Canadian Dream. Demandez notre programme, puis notre popcorn ice cream. Il se traite de la réclisse armée West. Une orange croche, puis mal, tu changes dans ma sacoche. Merci. Laisse-moi lire mon roman que je prépare. Mon âme, j'ai assez peur qu'il se fasse poigner. Je dors plus, je sais plus quoi faire de moi. It's a threat. Il s'agit de la pièce French Canadian Dream, chantée par Louise Forestier, qu'on retrouve sur, bien sûr, la trame sonore d'X13. En fait, c'est le thème, bien sûr, de ce film. Très intéressant. D'ailleurs, si jamais vous voulez voir à quoi ressemblait X13, vous pouvez l'écouter en intégrale sur le site de l'ONF. Bien sûr, ça, c'est avant les coupures. Là, je sais pas si maintenant, vous pouvez juste voir une partie du film parce qu'on a décidé de couper dans le budget de l'ONF. Mais c'est disponible en ligne au moins. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. J'ai même pas encore écouté au complet le film. On peut voir l'ensemble des cyniques ainsi que plusieurs autres artistes qui ont participé à ce film-là. Il va rester X1 à 6. Oui! X1 à 6. À 12. Ouais, mais j'essaie de couper au moins la moitié. Ah oui! Ah, très bon. Désolé. Pas vraiment. Je suis trop fatigué. Ouais. La même année, donc en 1972, bien sûr, le groupe décide de se séparer. En constatant qu'ils avaient une carrière bien remplie avec la Révolution tranquille derrière eux, ils offrent un dernier spectacle à leur public qui se nomme Exit. Grâce à ce spectacle, ils retournent encore une fois sur la scène de la Place des Arts. Marc Laurendeau décide de se tourner vers le journalisme. Il a une carrière glorieuse et respectable à la presse ainsi qu'à Radio-Canada. André Dubois, pour sa part, devient producteur de télévision. Marcel Saint-Germain est devenu chef des communications chez Bell Canada, alors que Serge Grenier, tel un seul homme, décide de rester dans l'humour. Grenier fut humoriste sur scène ainsi que scripteur, entre autres pour l'émission Piment Fort, et il a également travaillé pour Crow Magazine à l'époque lorsqu'on était très très jeune. Donc différents niveaux de qualité. Disons. Ben, Serge Grenier, et commentaire ici, moi, Serge Grenier, j'ai toujours eu de la misère avec son humour, en fait. Parce que c'est un gars extrêmement, c'est-à-dire, il a un esprit d'humour incroyable. C'est tout le temps une ligne, un punch, une ligne, un punch. Mais dans le contexte, entre autres, de Piment Fort, où il fallait faire 5 émissions par semaine, je peux comprendre qu'à un moment donné, son les idées étaient un peu plates. Ouais, c'est ça. Mais au niveau de ses propres numéros à lui, on pouvait le voir sur scène beaucoup dans les années 80-90. D'ailleurs, il a animé le tout premier gala Juste pour rire en 1983. Il était vraiment incroyable. Il a fait partie de toutes les parlementeries qu'il y a eu de l'histoire des parlementeries, justement. Et d'ailleurs, je pense que c'est lui qui a scénarisé le premier spectacle des parlementeries. Il était vraiment génial. Il a participé aux toutes dernières aussi où il a oublié une coupe de ligue, mais bon, ça c'est l'art. Mais il a jamais dérogé de son style d'humour. Il s'est toujours attaqué, bien sûr, aux personnes politiques aussi. C'est ce qui fait de lui vraiment quelqu'un de génial, selon moi, qui justement a eu ses périodes Piment Fort un peu moins intéressantes, mais faut bien manger dans la vie. Oui. Donc c'était une bonne façon pour lui de d'avoir un travail qui était stable. Grenier, c'est pas un cave, comme on dit. Le jeu de mots, là. Grenier, c'est pas un cave. Oh! Grenier cave. Oh oui, ouais. Hein, ça, il aurait probablement aimé celle-là. Parce qu'elle est mauvaise. Ben non. C'est bien normal. Donc, Marcel Saint-Germain, il nous a quittés en 2007. Serge Grenier, lui, est décédé le 7 avril 2012. Les cyniques, par contre, ont marqué le Québec d'une marque indélébile. Ils ont fait avancer le dit Québec d'une façon inéluctable. Sans eux, peut-être que le Québec serait tout simplement pas le même. Mm-hmm. Eh ben, merci Simon. Mais merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Ouais. C'est pas du sarcasme, ni de l'ironie, ni du cynisme. On te remercie. C'est ça, cynique, c'est la définition du mot cynique? Cynique, en fait, on m'a appris cette semaine, c'est un philosophe qui m'a dit ça. Ça vient de kinikos, qui veut dire chien en grec. Ah! Donc, c'est donc l'humour chien. Cynique était chien, ouais. Faisait de l'humour chien. Grinçant, mordant, c'est un peu dans le même genre. Ouais, et tous leurs albums ont été réédités l'année dernière. Donc, si ça vous intéresse, ils sont en vente partout. Vous pouvez les acheter sur iTunes également. Je veux pas faire de pub, mais ça vaut la peine de s'imprégner de cet esprit-là parce que c'est pas le genre de... Il y en a qui sont très, très drôles, surtout si on aime la politique. Mais si on se met pas dans le contexte, on ne trouvera pas ça drôle pantoute, là. C'est l'humour qui reste quand même très daté, mais que moi, je trouve vraiment intéressant. Je les trouve plus chiens que RBO quand on se replace à l'époque. Parce qu'ils ont pété des portes, eux autres. Il y a eu le cours de sacre où ils sacraient sur scène. Donc, ils lâchaient des gros mots. Des jurons. Ils ont dû... ils se sont même renseignés. En fait, Marc Laurendeau s'est renseigné à des avocats pour être sûr qu'il n'allait pas être mis en prison parce qu'il y avait le libelle blasphématoire à l'époque. Contre la religion, religion. Donc, ils sont allés un peu fort et se sont moqués vraiment beaucoup de la société dans laquelle le Québec était encarcané. Et ils ont aidé vraiment à sortir le Québec de tout ça. Et je vous conseille vraiment donc d'écouter quelques numéros des ciné qui sont en vente un peu partout. C'est vraiment très intéressant. Mais tu apportais le point tantôt que les numéros sont à 1$ chaque. Ouais, 1,29$ sur iTunes. Donc, acheter des numéros plus longs qui valent la peine, ben c'est sûr que c'est un 30 secondes sur un disque. C'est un peu ordinaire, mais ils sont aussi en vente en version physique. Et il y a des prix sur un certains sites d'un magasin québécois, je pense que c'est un peu moins cher que sur iTunes. D'accord. Cherchez-les, il n'y en a pas tant que ça. Merci. Il n'y en a plus tant que ça. C'est vrai. Donc, Simon Fidimé, merci beaucoup. Merci monsieur. À la semaine prochaine, jeudi à 8h30. Ben, 8h15, 8h, puis 9h. Hein? Ouais, exactement. On va être flou de même. Dépendant si François est là aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est joué dans la balance. Ouais. Donc, on te retrouve à Catalepsie les lundis soirs à partir de 20h. Il te reste une émission à faire. Effectivement, et on va vous faire une genre de revue de l'année, en fait, où on s'intéressait à quelques événements marquants de cette année dans l'actualité. Et on va vous présenter, bien sûr, de la musique toujours qui a un lien, en quelque part, avec ça, ainsi que peut-être quelques restants qu'on n'a pas eu le temps, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de musique de programmer à Catalepsie, mais je parle tellement qu'il y en a beaucoup que j'ai pas le temps de présenter. Sors les bloopers. Ouais, il y en aurait beaucoup, je pense. Les micros qui tombent leur vis, là, ça arrive souvent. Oui, effectivement. Ouais. Ouais, moi qui tousse en ondes, ça arrive aussi. Ah ouais, t'as eu ça? Longtemps, ouais. Genre? Non, mais pas tout de suite, pas des longues quintes de tout, okay. Mais quand même. Pas assez pour aller en pub, mettons? Non, exactement. OK, donc Catalepsie lundi 20h, mercredi 13h et samedi à 18h. T'as aussi album classique les vendredis matin à 10h. Effectivement, et on va revenir cette semaine sur un de mes albums favoris, qui va être d'ailleurs réédité dans quelques semaines par son auteur, c'est Ram de Paul McCartney. Qui est selon moi des meilleurs albums jamais réalisés dans la pop. Et on va justement vous présenter pourquoi demain. Album classique vendredi 10h. Ça rejoue les dimanches à 16h ainsi que les mardis à 17h. Et puis évidemment, ta chronique dans l'émission Assemblage requis tous les jeudis à 8h environ. On prend une pause. On revient avec la chronique Sex Smith, ça devrait répondre là. Oui. Et Simon Fitzbé reste avec nous. Ben oui. Certainement. Là. Génial. Franchement. Hein? Hein? Ben oui. Comment? Voyons donc. Ben oui. Mais là. Hein? êtes assez fou pour l'écouter. 89.1, lundi, à Assemblage requis. Kiwan en cavale nous fera découvrir de la musique canadienne. Xavier Antoir viendra étancher notre soif de thé. Et Nicolas Duchamp aura les plus récentes nouvelles sportives. C'est lundi, dès 7h, à Assemblage requis. C'est l'émission du matin, là, qui est le matin. Ça te passe pas. Ouais. Assemblage requis. Vigilance auditive nécessaire, plan inclus. C'est toujours à Assemblage requis, il est 8h45 et l'émission est toujours présentée par le service aux étudiants de l'UQTR, qu'on remercie à chaque jour. Oui, tout à fait. Mais pas assez. Exact. Moi, je remercie dans la vie un homme fort, un homme avec des solutions. On l'appelle dans le domaine Mathieu Plante. Oh. Parce qu'il trouve des solutions aux problèmes de la vie. C'est comme un super héros. Je pense plus que tu allais remercier les inventeurs. Ouais, aussi. Ça existe, mais ça devrait pas. On l'a. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. C'est la chronique où on règle vos problèmes. Donc, on trouve un problème de votre vie. C'est simple. On y trouve une solution créée de toute pièce pour vous. Vous avez juste à l'acheter, dépenser de l'argent. Vous créez d'autres problèmes avec votre carte de crédit. Mais ça, c'est pas notre problème. C'est pas notre problème. Commençons avec un chaudron pour charger les gadgets. OK. Ouais, la plupart des gens, lorsque leur iPhone manque de batterie, les branchent dans un ordinateur ou une prise d'alimentation secteur. Ouais. D'autres ont recours à un chargeur solaire. Mais ceux qui n'ont pas d'électricité à portée de main ou qui manquent de batterie en pleine nuit ou pendant une tempête, eh bien, il y a une solution. Le PowerPot est un chaudron de cuisson qui transforme une partie de sa chaleur en électricité dans le but de recharger deux ou trois petits appareils électroniques en même temps. Donc, on peut s'en servir sur la cuisinière, dans le foyer, sur le barbecue, sur un feu de camp avec n'importe quelle source de chaleur assez intense. Il en existe deux modèles, dont un de 2 litres capable de générer 10 watts d'électricité, ce qui est assez pour charger un iPad. Un iPad. C'est un gros iPad. Ben oui. Pour ça, il faut chauffer au gaz. Ah ouais, peut-être, je sais pas, ouais. Et s'il n'y a pas d'électricité, tu peux pas avoir de chaleur sinon faut de électrique. Feu de camp. Ben, feu de camp dehors. Ouais, mais il est en plastique, non? Ah, le chaudron, je pense pas. Non, je pense pas. Non, c'est en métal? Je crois. Mais je sais pas, j'hésiterais à mettre ça dans le feu, par contre. Mais ça dit feu de camp, poêle au gaz naturel. Ça le mentionne. Ah, OK, il y aurait moyen, ouais. Intéressant. Quand même. Et ça dit aussi que sinon, si t'as peur, tu peux toujours mettre ton téléphone ou ton appareil dans un étui de silicone ignifuge. Oh. Ignifuge, c'est le mot qui veut dire à l'étanchéité du feu, là, l'épreuve du feu. Ouais. C'est à partir de 125$ sur Kickstarter. Kickstarter, on le rappelle à chaque fois, là, c'est le petit site où on peut donner nos idées de produits et demander aux gens de donner de l'argent. Si on atteint notre but, le produit va être produit. Et puis l'argent va être considéré comme un rabais sur l'achat futur du produit une fois qu'il sera sur le marché. C'est clair? C'est ça. C'est Kickstarter. Maintenant, espionner les fonds marins. Les sous-marins personnels semblent être de plus en plus en vogue. Il y avait, entre autres, le sous-marin en forme d'épaulaire. Et bien, voici le mini-sub, qui est un véhicule qui plaira aux plus petites bourses, plus petites sacoches. Ça coûte 19 000$. Oui, petite sacoche relative. Ah ben, hein? Vous allez pouvoir explorer les fonds du Saint-Laurent en toute quiétude. Le mini-sub vous permettra de demeurer entre 60 et 80 minutes sous l'eau, et ce jusqu'à une profondeur d'environ 13 mètres, 40 pieds. Puis c'est ça. C'est super. C'est un mini-sub, un genre de sous-marin personnel. 19 000$. C'est cher. Ouais. Vous avez un iPhone ou un téléphone, pas mal n'importe quel téléphone intelligent finalement, mais il glisse tout le temps dans votre main. Donc il vous faut le finger, qui est un doigt genre en tissu avec une ventouse. En fait, c'est deux morceaux séparés, donc la ventouse, vous la laissez connectée à votre téléphone tout le temps. Et le petit doigt, vous pouvez le traîner dans votre poche, ou même le traîner comme bague autour de votre doigt. T'sais. Et puis, à l'arrière de votre iPhone, vous mettez ça, et là, votre iPhone va tenir sur votre doigt. Donc, vous n'avez pas besoin de serrer et perdre des calories, t'sais, finalement, à tenir un iPhone. T'sais. Ça reste lourd, un iPhone sur un doigt, c'est... Ouais, mais... C'est complètement inutile, c'est... Peut-être que tu peux tenir ça avec le bas de ta main et puis ouais, il faut. Je sais pas. C'est le finger. T'es comme ça? Pas sûr que t'es bien mieux? Ben, porter l'iPhone comme une bague, ça serait intéressant. Par contre, là, tu le mets de l'autre côté. Oui! Tu le revers de ta main. Le iPod... Touch, comment t'appelles ça, l'iPod Nano, là, le petit, il pourrait mettre vraiment un système complet dessus, comme l'iPhone, ce serait prêt à c'est moi, j'achèterais ça, puis mettre ça comme manque. Mais c'est ça. Pour avoir joué avec l'iPod Nano, ma copine en a un. C'est le fun d'aller de gauche à droite et tout, mais pour aller sur le web avec un écran comme ça, bonne chance. Ah, c'est Yvon? Non, c'est bon. Une chance parce que ça serait impossible. Pour zoomer, t'as même pas assez de place pour faire le mouvement. Ouais, zoom sur l'écran. Donc, le Finger, ça coûte entre 10 et 15 $ dépendant de la grosseur et de quel gugus de sus que vous achetez comme différentes combinaisons pour ça. Et il y a beaucoup de combinaisons, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens potentiels qui voulaient l'acheter. J'imagine si on fait plusieurs grandeurs, il aurait pu commencer par un one size. Genre, au pire, mais bon. Tiens, tu joues au Lego, François, ton enfant va sûrement jouer au Lego bientôt. La technologie avance et tu peux maintenant avoir des Lego qui flashent. C'est cool, ça. C'est très cool. Pour faire une ambulance, mettons, ouais, une voiture de police, donc c'est les Brick Brights Motion Activated Light Up Lego Bricks. Évidemment, c'est compatible Lego, c'est pas fait par Lego. C'est compatible avec d'autres sortes de blocs aussi, là, il y en a plusieurs. Disponible en trois couleurs, rouge, bleu et vert, ça vous permet de faire des lumières d'urgence dans les véhicules. Ça fonctionne avec vos Lego dans l'ordre normal des choses, c'est-à-dire un bloc normal, ce bloc-là, puis un autre bloc, tout s'enchaîne les uns dans les autres. Eh bien, les jeunes sont vraiment chanceux de nos jours. Hein, ouais, on n'avait pas ça dans le temps. Non, moi, en plus, j'avais juste des Legos disparates. J'avais rien comme pour faire un vaisseau spatial. Tout, j'avais des Legos... Maison plate, là. Genre. Des verres. Ouais. Tu fais une maison avec une brique jaune, une brique rouge, une brique blanche, une brique noire. C'est pas beau. C'est pas très esthétique. Ben les lumières peuvent s'allumer pendant 100 heures, donc ça devrait durer très longtemps. Et c'est que tu touches pour l'allumer et touches pour l'éteindre, donc il reste pas allumé en permanence. C'est très, très bien. Petite lumière LED là-dedans. Allez voir les prix sur assemblagerequis.com. Le lien est là, bien sûr. Maintenant, encore une fois, t'es en camping. Tu t'es amené sûrement ton petit chaudron pour faire charger ton iPad là, et tout ça. Donc, t'as besoin aussi d'accompagner ça de rondelles d'oignon, de frites, d'ailes de poulet, de hamburger. Donc, c'est le Portable Deep Frying Grill qui est une friteuse transportable, mais aussi un grill et en plus une petite planche à découper et en plus un réchaud. Tout ça dans le même ensemble rond avec des patates. C'est super bon, on dirait une chaise. En fait, si je comprends bien l'image, c'est que l'huile se ramasse dans le milieu. Ben, l'huile va dans le milieu, je crois. Je crois pas que tu puisses mettre d'huile sur les côtés. Je pense que l'huile va dans le milieu, dans le petit bol, puis c'est là que tu fais ta friteuse. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Bon, voilà. Ouf. Donc, c'est super joli, ça a l'air pratique. Moi, ça me donne faim, je vais le regarder. Ah, ça me donne faim aussi. D'entretenir ces artères bouchées, là, même encore. Ah, ouais. Ben, c'est un bon moyen. T'es dehors, tu vas marcher toute la journée. Il faut bien que tu reprennes tes calories pour pouvoir les brûler, là. Ah, hein? Oh, boy. 250 $ chez Amaka. Ouais. J'en veux deux. Ensuite, tiens, problème courant de la vie de tous les jours, ton alarme de fumée est à la maison. Il y a surtout plus laid et plus plate qu'un disque. On dirait une poque de hockey blanche avec des trous dedans. Ouais. Effectivement. C'est laid. À la place, il te faut un petit zozio. C'est un zozio, là, un oiseau. Un oiseau. Ouais. Qui fait une petite sirène avec sa propre chanson, là. Tchikidi, tchikidi. Je sais pas comment ça sonne, cette affaire-là. J'ai pas été chercher tu le son. Tu vas mourir. Tchikidi, tchikidi. Je sais pas si ça sonne très fort, par exemple. J'imagine un détecteur de fumée. Sûrement, se ouais, doit ouais. De... C'est, ça, bon. Ça pourrait aussi imiter les oiseaux que tu rencontres quand tu fais frire des choses avec ton grill portable, mais à l'intérieur, parce que t'as oublié que ça marchait juste dehors, ce grill-là. Le petit oiseau, il va te dire... Ouais. Il va te dire, et c'est quand même cher, mais c'est beau. Combien ça? 79 $. Ouais, j'avoue. Aussitôt que ça dépasse les 85 décibels, ça va faire du bruit. Et ça mesure 7 pouces par 7 pouces par 4,75. Disponible en noir ou en blanc. Et ça vient sur une petite branche qui sert pour le mettre au plafond. Voilà, vous pouvez faire une combinaison entre le socle noir et un oiseau blanc, ou les deux blancs, les deux noirs, etc. etc. Pas de racisme là-dedans, tout le monde ensemble. Ensuite, comment changer son robinet en abreuvoir? Parce que tu sais, c'est tellement plus plaisant de boire dans un abreuvoir. Ouais. Pour vrai, tu tournes le petit bouton, puis ça t'arrive directement dans la bouche. T'aimes ça quand les affaires t'arrivent directement dans la bouche avec un gros jet, c'est pas grave. Donc, le tapis change n'importe quel robinet en fontaine, en abreuvoir. C'est super, non? Okay. Ouais, ça doit revoler de tous les bords, ça. C'est un gars. Non, non, mais ça doit. Lui, Simon, François est un très grand cynique, OK? c'est un Thomas. Il croit jamais que rien fonctionne. Non, mais je sais pas, j'ai quelques réserves. En même temps, si t'as beaucoup de pression dans tes tuyaux, ça peut revoler très haut. J'avoue. OK, mais je t'explique le concept. C'est un petit gugus de plastique avec un gros bout et un petit bout, OK? Tu mets le gros bout dans le robinet. Ouais. Et si tu le laisses aller, l'eau va couler par en bas, ben normal. Mais si tu squeezes le bas de ça, ça va faire renvoyer l'eau dans le petit trou et ça va sortir comme un abreuvoir dans ta bouche. Comme un jet profond et intense dans la bouche. Bon. Donc, ça a gagné un prix qui s'appelle le Red Dot Design Award en 2011. Donc, c'est un attachement de caoutchouc, tout ce qu'il y a de plus simple. Ça coûte seulement 6$ parce que c'est pas cher à produire. C'est pas cher. C'est pas cher. Tu laisses ça sur le comptoir, puis tu sais... Ça évite de salaire des verres juste pour prendre un verre d'eau. Excellent point. Mm-hmm. Excellent point. Moi, j'aime bien mon petit robinet chez nous. Là, nos propriétaires nous ont gâté d'un beau petit robinet que tu peux enlever et arroser ailleurs. Là, ouais, c'est genre ouais, de hose. Ouais, ouais. Et tu peux aussi virer la hose à l'envers et te le foutre dans la bouche. C'est pareil. C'est super la fin. Ça salit personne. Là, ça, c'est un petit fusil. Là, un petit, Même pas de fusil. Ben, tu peux avoir un petit fusil, ouais. Mais ouais, c'est juste un genre de pomme, comme une pomme de douche. Est-ce qu'elle a un gros jet pour que tu puisses. Le plus intense possible. Hein? C'est ça. OK. Ensuite, une table qui peut devenir tout ce que tu veux. Tu sais, dans le salon, tu dis ma table, parce que dans le fond, tu pouvais, mettons, mettre mon livre dedans la table au lieu de dessus. Ou tu sais, peut-être mettre une bouteille de vin dans ma table au lieu de dessus. Mais c'est comme des gens de là, tu peux. De minuscules. Oui, tu pourrais, si t'avais une tablette dans ta table, en effet. Ou tu pourrais aussi juste le mettre dessus, sur ta table. Mais bon, il y en a qui veulent avoir quelque chose de cool à montrer aux gens. C'est un cube composé de différents morceaux de bois, des bâtons, un peu comme un Jenga, tu sais, genre le puzzle Jenga. Ah ouais. Et tu peux tirer et pousser sur chacun des bâtons comme tu veux. Donc, disons, d'un bord, tu pousses une dizaine de bâtons avec deux épaisseurs de haut. Ça va te faire une petite tablette. Tu repousses par en dedans, tu peux mettre des livres à la place. C'est cool. À l'intérieur, c'est vraiment très bien fait. Pour vrai, je trouve ça super cool. C'est un concept, c'est la Pixel Table. Tu peux cacher tes traîneries aussi là-dedans. Tu sais, oui. Tu pousses, puis... Ça ouais. paraît pas. C'est ouais. comme en dessous du divan pour la poussière. Tu mets tes affaires dans ouais, c'est super fun. Donc allez voir la photo pour voir de quoi ça a l'air cette affaire là. Un autre concept cette fois-ci pour le problème, tu sais, tu manges des Pringles, là, les Pringles, les chips, ouais. là, t'es obligé de mettre la main, le bras là-dedans, tu sais, comment c'est pas le fun de se mettre le bras ou la main dans un orifice, tu sais, comme ça, rien comme une vache. Mm-hmm. Tu t'es aussi pour prendre ta chip. Ici, le concept, c'est que le pot en tant que tel est comme un genre de bol. Okay, non, c'est très cool. D'éventail. Ouais, l'idée est bonne. L'idée est bonne. L'idée est bonne. Par contre, si tu les manges pas toutes. Bon point. Tu fais quoi? Quoi que des Pringles, difficile d'arrêter, tu sais. Ben, ouais. Quand tu avais de Mathieu Plante, là, c'est ouais. tranche jusqu'à haut. C'est pas évident. Mais par contre, ce qui est bien, oui, ok, tout à fait, mais tu peux commencer par juste te servir de ça comme une canne. On enlève le couvercle. Il y a un petit genre de truc de carton qui tient le tout. Et là, ouais. tu manges tes chips la première moitié. Ouais. Tu refermes le couvercle, tu le sers. La deuxième fois, quand tu manges ta deuxième portion, là, tu enlèves le carton et blou. Et voilà. Tu sais? Donc, ça sert à tout. Il n'y a aucune façon de manquer son coup avec ça. Je trouve ça très bien. Mais c'est un concept, donc ça ne veut pas dire qu'on va voir ça bientôt. Là. Celui-là, c'est plus classique, un peu comme gadget, un petit peu moins drôle. C'est juste un truc pour ceux qui prennent beaucoup de photos avec leur iPhone. Tu sais, des photos de miroir avec la face de canard. Là. Avec la face de canard. Face de canard. Tu as vu des photos de face de canard de filles sur Facebook, là, quand même? Duckface. Il y a des blogs juste pour ça. Bang. Ouais. Non, c'est le truc, c'est quand... C'est la chasse au canard quand tu vois une fille ou un gars qui fait un dog face, il crie bang. OK, puis là, il y a un petit chien qui rit. Exactement. OK, donc pour ceux qui aiment prendre des photos avec leur iPhone, c'est un petit bouton que tu branches dans le port, le connecteur, le dock connecteur qui est en bas de ton iPhone, et ça te rajoute un bouton physique, donc tu peux vraiment clic-clic pour prendre ta photo. Ça coûte 40$. Juste pour un bouton. Mais comme ça, quand tu l'as dans ta poche, ton téléphone, tu peux facilement le sortir. Et clic-clic, tu sais, genre comme un genre de gâchette rapide, là. Gâchette rapide, un autre thème qu'on pourrait sûrement faire une blague sexuelle là-dessus. Mais on se retient. On se retient. C'est bon. Philippe, on s'abstient. L'abstinence, j'aime ça. Philippe, c'est un moniteur, un écran. On en parlait plutôt cette semaine dans une chronique CNX qui vous promet que vous allez garder une bonne posture. Parce qu'ils disent que l'ergonomie, c'est très important. Donc, il y a une caméra à l'avant de cet écran de 24 pouces Ergo Sensor qui s'assure que vous gardiez la bonne distance de l'écran et que votre tête ne soit pas penchée par en avant. Et ça vous donne un rappel pour vous dire de vous éloigner de votre bureau, prendre une pause. S'il voit que vous avez été trop longtemps devant votre écran, il détecte votre présence. C'est le Ergo Sensor qui est en vente en Europe pour 285€. On ne sait pas si ça va se rendre jusqu'aux États-Unis, jusqu'au Canada, mais l'idée est quand même pas pire. C'est un écran qui est combien de pouces? 24 pouces? 24 pouces, exact. Ouais. J'imagine qu'il pourrait l'adapter en plus grand aussi ou en plus cinématique. C'est quand même 24 pouces correct. C'est à peu près ce que j'ai à la maison. Moi, j'ai placé mon écran tellement loin que justement, je suis sûr d'être tout le temps à une bonne distance, là, au moins. Très 24 pouces, c'est grand. Oui, c'est assez grand en masse. Il faut s'assurer aussi que, je me rappelle, c'est quoi la règle déjà? Est-ce qu'il faut que tes yeux soient au centre de l'écran? Je pense que c'est au centre. Non, je pense que tu surélèves. Parce que souvent, les pieds d'ordi sont jamais assez hauts pour que ça fasse ça. Non, effectivement. Assurez-vous d'être ergonomique. Et, j'ai pas lu l'article de cela et ça m'intrigue, j'ai comme envie d'en parler quand même. C'est le IT clamp qui empêche les saignements. Quand t'as une blessure, mettons, tu t'es vraiment fait une grosse blessure sur le bras, c'est comme un genre de comment dire, un étau si on veut, qui va se pogner après ta peau pour faire fermer la cicatrice. Je sais pas c'est quoi être pire, si c'est la douleur du fait que tu saignes ou ben c'est la douleur que, du fait que ça pince ta peau, tu sais que t'es coupé. Je sais pas. Ça dit que c'est un morceau de plastique stérile d'environ 5 cm de longueur avec des aiguilles des deux côtés, des aiguilles. Ben, c'est comme des points de suture. Des points de suture, c'est pour faire ses propres points de suture. Wow, ben oui, ça fait un caillot de sang en dessous de la cicatrice qui aide à empêcher de saigner jusqu'à ce que la victime reçoive l'attention médicale. Donc, les dents mordent dans votre peau, ça suce le sang et puis ça fait faire un caillot de sang, tout ça, pour 65$. Moi, je serais prêt à l'acheter et à l'essayer sur Mathieu. Merci. En direct à la radio. Oui, OK, fait que tu vas me violenter en premier et ensuite me écoute, soigner. Je te coupe. Après ça, je te pose ça, là. Wow. Un bon vieux beigne. Un beigne? Ouais, ben, en fait, un garrot. Ah oui, okay. Comme pour les drogués, là. Ouais, dans le genre, ouais. Qui t'arrête à t'essayer d'arrêter le plus possible la circulation pour, justement, éviter de perdre tout ton sang. Communément, c'est appelé un beigne. Ben, c'est parce que c'est en forme de beigne, okay. Souvent, on a présenté ça dans les scouts. Si on se rentrait un morceau de bois dans la jambe, fallait pas enlever le morceau de bois, fallait plutôt faire un garrot autour, et là c'était une forme de beigne pour vraiment faire de la pression, piquer la pression sur la blessure, le temps de se rendre à l'hôpital. Et ben. Et on va passer de beigne, ou comme je les appelle en anglais, des bacon, du bacon. De bacon à bacon. C'est de la marmelade au bacon. Je vais finir sur une bonne note. Marmelade au bacon, tout est au bacon de nos jours, et c'était ce qui manquait dans ma vie, la marmelade au bacon. Sunday au bacon, hein? Sunday au bacon. Ouais, j'étais dans une chaîne de fast-food américaine bien connue. L'autre fois, il disait acheter du bacon pour 75 sous, quelque chose comme ça. Sirop en plus de bacon qu'ils mettent dedans. Pour vrai. Je disais à ma copine, je disais, ce serait le fun de prendre le bacon, de le mettre dans le sundae. Tu sais, je sais pas s'il accepterait. Mais là, il y a une autre compagnie de fast-food américain qui développe un sundae au bacon. Et voilà. Oh. Dégueulasse. Ouais. Mais bon, ça fait un beau petit déjeuner quand même. Hein. C'est mais la marmelade au bacon, est-ce que c'est déjà commercialisé? Je sais pas, attends un peu. Oui, c'est fait par Kay, une femme qui connaît bien ses confitures. Elle en fait depuis très longtemps. Donc, elle fait des gelées et tout ça. Sa marmelade, c'est une combinaison de bacon, oignon, ail, miel, sirop d'érable, café et épices. C'est un genre de sucré salé qui disent délicieux sur des rôtis, muffins, biscuits ou même des gaufres. Et puis, c'est ça. Ils disent qu'une fois que vous allez avoir goûté la tartinade au bacon, vous ne retournerez pas à la confiture normale. Non. Bon, ben, je vais garder ma confiture normale et je vais laisser faire celle du bacon. Ouais. On va se contenter du sundae et du lubrifiant au bacon. Ouais. Ouais. Malaise. Le bacon, à savoir le bacon, ça aussi, c'est bon. Ouais, c'est vrai, ça, c'est le meilleur. C'est le classique. C'est le classique. voilà pour la chronique, ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a, et c'est tout. C'est ça. Je pense que ça finit sur une bonne saveur. Sur une très bonne note. Une saveur du moment, comme dirait Simon. Rappel de nom d'émission que personne ne se rappelle. Et que personne n'écoutait aussi. Non, ça, c'est pas vrai, par contre. Ah, c'était pas... Bref. T'as pas bref. Arrête de t'auto-flageller. donc, on va se quitter avec une pièce de Band of Skulls, une nouvelle entrée du palmarès. C'est là, Lay My Head Down. On remercie tout le monde qui a participé à l'émission aujourd'hui, c'est-à-dire Simon Fitbé. Oui, effectivement. C'est à peu près ça. Mathieu Plante. François-Olivier Marchand. Assemblage requis. Les requins à la maison et ailleurs. Restez sur nos ondes, je n'aime CNX.zip dans un peu moins d'une heure avec les Connex CNX de la semaine. Ensuite, à 11h, c'est le dîner de con avec Danny Janvier. Il va déguster une bière grâce à la barrique. À 13h, c'est 6 degrés avec Kim Bergeron. Je serai de retour encore une fois à 14h avec Jasmine Raymond-Rainville pour cette édition des Palmarès, c'est fou. Et ensuite, à 18h, une des dernières éditions de la Spirale. Soyez à l'écoute pour ça. Et on passe en électronique avec 13e étage à 19h, Le Cortex à 21h et Onde de choc à 23h. On se retrouve lundi à 7h. Et moi aussi, je vais déguster une bière, mais ça sera pas en onde et ça sera pas dans les studios. Non. Ouais, la pièce va tourner après ça. Hein. Bière au bacon, hein? Je sais pas si ça doit exister. Non, pas d'accord. J'aimerais, par contre, manger du bacon pendant que je bois de la bière. Ça serait bon, hein? J'aimerais ça. Ouais, ça serait essayer bon. Essayer ça, m'emmener. Un petit bon mix. Bacon à la place de la peanut, là, ça pourrait être pas pire. C'est sûr. J'avoue, ouais. Bacon à la bière au bacon, moi, je mangerai deux. Je boirais. Je sais pas si tu bois de la bière au bacon ou si tu la mâches. Ça dépend s'ils mettent le gras avec. Hey, bye, la bonne fête soirée. Bye. That's gone before.